Stephen King aime les fusils, Stephen King aime MacGyver, Stephen King a écrit les révélations de Becky Paulson et Steven Weber l'a adapté. Bienvenue dans le vidéoclub de Castle Rock. Je suis avec Chris, comme toujours. Salut. Hello. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, ça va. Les nouvelles, on se les a déjà données dans le précédent podcast, hein, ceci dit. Mais tout de même, oui, si vous bon. N'écoutez que celui-ci, il y en a une qui est importante à donner, c'est qu'on a un coffee. Voilà, mais toujours ça, c'est quelque chose qu'on va rappeler quand même plus ou moins à chaque fois. Oui, voilà, c'est... on mettra le lien dans la description. N'hésitez pas à donner. Si vous donnez, merci beaucoup d'avance. Vous n'aurez aucun avantage particulier, mais c'est simplement une forme d'encouragement, disons. Voilà. C'est ça. Plaisir de donner. Voilà, c'est plaisir ça. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Permettre d'acheter plein de DVD nuls, d'adaptation de King ou d'Attaque Animale. Voilà, le prochain Attaque Animale, c'est le chat qui fume, donc c'est 20 balles. Donnez. Voilà, c'est que ça. Que Issam puisse l'avoir en physique, parce que moi, je l'ai déjà. Les nouvelles autour de King, ça va aussi aller assez vite, parce qu'il n'y en a pas vraiment depuis la dernière fois. On avait annoncé déjà la sortie du nouveau livre qui a été programmé, et depuis, il n'y a pas grand-chose qui a été annoncé. Triste. À moins que tu aies vu des trucs que j'aurais loupés. Ah non, pas du tout. Si Mike Flanagan veut encore adapter un truc, je sais plus quoi. Ah oui, non, mais en même temps... Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'il veuille adapter un truc. Ouais, je ne sais même plus lequel c'est cette fois-ci, tu vois. J'en suis au stade où... Oui, si, je crois que c'est Brume. Oui, c'est une nouvelle adaptation, encore. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, après, Brume, on peut se dire que même Mike Flanagan ne pourra pas faire pire que la série. Mais... c'est vrai. Mais voilà pour les news, c'est allé assez vite. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se lance dans les révélations de Becky Paulson? Ah oui, bah oui, la gueule des révélations. Ouais. Bon, on va spoiler, après c'est une nouvelle assez courte, et un épisode assez court aussi, puisque c'est un épisode d'une cinquantaine de minutes. Ouais, et puis une nouvelle, ouais, tu l'as dit, une vingtaine de pages. Ouais, c'est ça. Bah c'est parti. Go! Donc, la nouvelle nous raconte l'histoire de Becky Paulson, une femme au foyer qui a des relations pas mal froides avec son mari et qui, en faisant le grand ménage de printemps, se tire accidentellement une balle dans la tête. John Woo apprécie. Et ensuite, elle commence à avoir des visions étranges où elle voit notamment que son mari la trompe avec sa collègue postière. Et elle va commencer à fabriquer des machines bizarres aussi. Oui. La nouvelle, originellement, est publiée dans le magazine Rolling Stones, dans le numéro de juillet-août 84. Elle est recueillie dans une édition limitée de Danse Macabre en anglais, donc Skeleton Crew, mais seulement dans une édition limitée, c'est pas dans les éditions ultérieures les plus fréquentes. Et ensuite, elle est reprise dans I Shudder at Your Touch, 22 Tales of Sex and Horror, une anthologie de nouvelles de sexe et d'horreur, dans l'idée. Voilà, oui. Le titre est assez évocateur, ouais. Finalement. Une anthologie établie par Michel Slung, qui a été traduite en français, pour le coup, donc sous le titre 22 histoires de sexe et d'horreur. C'est traduit en français en 93. Il y a plein d'auteurs différents, aucun n'a écrit sa nouvelle spécialement pour l'anthologie. On y reviendra, mais on a vu plus chargé sexuellement que Becky Paulson, hein, donc je sais pas ce que veulent les autres, mais il faut bien vendre le produit. J'aimerais bien que tu nous lises la quatrième de couverture, parce que je la trouve extraordinaire, hein, dans le genre truc qu'essaie de te vendre, le machin. Rien ne ressemble plus à un frisson de plaisir qu'un frisson d'horreur. Des femmes en proie à d'étranges désirs, des hommes habités par des forces primitives et perverses, des lieux maléfiques qui déchaînent les pulsions les plus incontrôlables. Des êtres fantomatiques dont les étreintes sont aussi voluptueuses que monstrueuses. Lorsque les maîtres de la terreur rencontrent les meilleurs auteurs du thriller, les ardeurs de l'amour ressemblent à s'y méprendre aux flammes de l'enfer. Voilà, vous n'avez absolument rien de ça dans Becky Paulson. Non, pas du tout, clairement. Mais bon, encore une fois, faut bien vendre sa cam. Après, voilà, peut-être que la nouvelle de King est à l'opposé de tout le reste. Hein. Peut-être que l'excitation va être là. Ouais, il faudra contenter d'en lire deux, trois autres, quand même. Avec les autres nouvelles, mais j'ai comme un doute, quoi. Alors, c'est intéressant comme nouvelle. Enfin, intéressant. Ouais, intéressant. Curieux. Intéressant, mais selon la définition de William Friedkin, intéressant. Parce qu'elle est réadaptée en 1987 pour être intégrée aux Tominokers. Donc, en changeant la manière dont Becky commence à avoir ses visions, puisque dans les Tominokers, alors il y a bien une Becky Paulson, elle est bien mariée à un Joe Paulson qui la trompe bien avec une postière du nom de Nancy Voss. En fait, vraiment, tous les personnages sont repris, y compris certains trucs très secondaires. Mais ça change la manière dont, évidemment, Becky a ses visions, puisque dans les Tominokers, c'est à cause des radiations du vaisseau Tominoker. Oui. Mais voilà, c'est réadapté, c'est intégré à un truc plus vaste, et ça explique certainement qu'elle soit pas sortie dans des recueils de nouvelles de King en édition normale. En fait, ça n'a pas tellement d'intérêt aujourd'hui de rééditer Becky Paulson, maintenant qu'elle fait partie d'un ensemble plus long. Enfin, ça n'a pas d'autre intérêt que de nous épargner la lecture des Tominokers. Mais bon, Becky Paulson, c'est pas fou non plus, donc ça voilà, ça sert pas à grand-chose. Voilà. C'est bien résumé, oui. Et pourquoi ? Pourtant, malgré ça, en 2020, une adaptation de la nouvelle en série avait été annoncée par Warner Bros. TV et CW, donc je ne comprends pas le projet. Mais comme il y a eu beaucoup de restructurations et de changements dans ces entreprises-là, le projet est officiellement abandonné, a priori. Ça a été officialisé en cette année. Ouais. C'était mort. Et bon, bah, oui, on n'avait peut-être pas besoin d'une série Becky Paulson. À mon avis, ça fait partie des projets où ils n'ont pas mis longtemps avant de se dire « Allez, on arrête ». Oui, oui, je pense. Mais il y avait peut-être moyen de se le dire avant de commencer, tu vois, même. Oui, c'est vrai. Mais donc voilà ce que je peux dire de Becky Paulson, qui est une nouvelle qui n'intéresse pas grand monde dans la mesure où elle est publiée que dans une anthologie un peu obscure, mais qui a eu plusieurs éditions françaises quand même, hein, qui ont tout en commun d'avoir une couverture dégueulasse. Oui. Donc... elle n'intéresse pas grand monde, King n'en a jamais reparlé, parce que bah, du coup, il a recyclé ça dans les Tominokers, qui est un roman que lui-même trouve plutôt mauvais. Donc, bah voilà. On va passer à nos super. Avis. Qu'est-ce que t'as pensé des révélations de Becky Paulson ? C'était nul ! Oh là là ! Oh là là, là. Ah, c'est nul ! T'as vraiment cette sensation à la fin de la lecture de vide, de mais... mais pourquoi j'ai lu ça? Mais pourquoi ça a été écrit? Mais pourquoi ça a été publié? Mais pourquoi? Non mais, les personnages sont inintéressants, tout ce qui se passe est inintéressant, et le pire, c'est que les révélations, donc qui sont quand même au cœur même du titre, les révélations de Becky Paulson interviennent sur les trois dernières pages, et en bloc, vraiment, quoi, genre en fait, on en a un à foutre des fameuses révélations. C'est quand même incroyable, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle? Mais ça, c'est un truc, il a dû l'écrire en étant overshooté encore. Ah ouais, je pense. Je pense parce que c'était totalement cette période-là. Ah là là, mais c'est... Il n'y a rien, quoi. C'est imbitable. C'est le vide absolu. Ouais, c'est la nouvelle de l'indifférence totale, effectivement. Ça n'a pas d'intérêt. Alors après, est-ce que n'a pas joué le fait que nous, en plus, on sait que du coup, c'est après dans les Tominokers, qui est un roman qui nous laisse des traumatismes. Peut-être que ça joue un peu, mais en effet, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt. Les révélations sont pas très intéressantes. Il y a plein de trucs qui ne sont pas développés, c'est-à-dire le fait qu'elle commence à inventer des machines parce que parce que Jésus lui dit. Oui, mais on comprend que ça se passe dans sa tête en fait, en réalité. Oui. Mais c'est pas. Oui, mais c'est développé. Quand même dans sa tête, c'est Jésus qui lui dit. Oui. C'est un petit portrait de Jésus posé au-dessus de la télé, le truc en 3D de Jésus. Pareil, son rapport à la religion, son rapport à son père, qui visiblement était violent, tout ça, c'est là, mais c'est pas développé, ça forme un imbroglio assez confus. Bah vu que ça dure que 20 pages, en fait, le problème c'est que ça dure que 20 pages et que t'as l'impression que King avait des idées pour développer des trucs, donc il sème les graines, mais il en fait rien. Oui, ah bah si tu veux, il les développe dans les Tominokers, ces idées-là, tu veux aller le relire, voir comment elles sont développées. Mais non, j'ai pas trop envie, non. Voilà, c'est en fait, c'est ça qui joue. C'est, on peut dire que c'est pas assez développé, mais on l'a eu, la version développée de cette nouvelle, et elle est tout aussi nulle. Oui. Encore pire, même, parce que ça dure très longtemps. Donc non, c'est pas très intéressant. Mais en effet, on voit les idées qui sont là, qui auraient pu être bien autour de ces révélations qui donnent petit à petit, qui rendent petit à petit Becky Paulson de plus en plus déséquilibré. Oui. Oui, parce que la première révélation, c'est le fait que son mari la trompe. Oui, c'est sur ça que même ça si se concentre c'est... le plus. Même si c'est dit en sous-texte qu'en fait, elle était plus ou moins au courant, c'est juste qu'elle se voilait la face, quoi. Oui. Mais là, elle commence à vraiment voir, elle commence à avoir des flashs, en fait. Elle lit dans les pensées, oui. En fait. Mm. Il y a ça qui est plus ou moins sous-entendu. Oui, alors c'est très mal expliqué. Hein. Oui. Bah, disons qu'elle n'a jamais tellement une idée claire de comment fonctionnent ses pouvoirs, donc à la limite, encore une fois, ça aurait pu être intéressant. Mais là, ouais, je suis d'accord, c'est juste confus. Mm. Voilà. C'est con parce que le postulat de base est plutôt rigolo, je trouve, le fait... sans faire exprès, elle se tire une balle et ça lui développe des capacités psychiques un peu surnaturelles. Le postulat, voilà, ça peut donner quelque chose de sympa. C'est juste que bah, y a rien qui n'est fait pour que ça soit véritablement sympa. Oui, et même dans le ton, je trouve la nouvelle un peu entre deux, parce qu'on sent que ça veut avoir un ton plutôt léger, plutôt comique et ironique, mais qui n'est, je trouve, pas assez poussé pour pleinement fonctionner. Ouais, c'est ça. Ah, typiquement, la fin... On sent le côté un peu abracadabrante des événements, parce qu'à la fin, du coup, elle piège la télévision pour que son mari, en l'allumant, s'auto-électrocute. Mais à ce moment-là, elle prend conscience de ce qu'elle a fait, et donc elle veut le sauver. Mais du coup, elle se fait électrocuter elle aussi, et donc bah, elle meurt avec lui. Voilà, c'est grand guignol, mais c'est tellement écrit avec un ton qui se cherche... que bah, toi-même, en tant que lecteur, tu sais pas trop ce que t'es en train de lire, tu sais pas trop comment l'aborder, en fait. Oui. Et cette fin, vous vous rendez bien compte, pour les personnes qui se souviennent des Tommy Knockers, c'est exactement la fin du chapitre Becky Paulson dans les Tommy Knockers. Ouais. Et oui, comme on dit, comme c'est court, le fait qu'elle commence à inventer les machines, et notamment la télé piégée qu'elle trafique, bah, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, en fait. On n'a pas eu suffisamment le temps de voir se développer les choses pour que ça prenne. Mais du coup, moi, ce qui me fascine, c'est dans sa tête. Parce que ça a été écrit avant les Tommy Knockers. Ouais, dans la tête de King, du coup, pas de Becky. Oui, voilà. Oui. Donc, dans la tête de King, qu'est-ce qu'il voulait nous raconter avec ça, avec la nouvelle originelle, tu vois? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Bah, je sais pas, un truc un peu façon petite nouvelle d'anthologie où une femme affronte la tromperie de son mari et le fait que son mariage dégénère, je sais pas, je pense que c'était de ça que ça voulait parler. Ouais, mais clairement, je pense clairement que cette nouvelle, à la base, n'aurait jamais dû être publiée, en fait. Bah, c'est vrai qu'elle fait très incomplet. Il a dû écrire comme ça, c'est un truc qu'il a dû écrire comme ça, un premier jet, finalement il l'a laissé de côté, il s'est dit tiens, je vais recycler ça dans les Tommy Knockers, dans un autre roman, il l'a fait... Et voilà, et puis basta, cette nouvelle aura dû finir au placard. Et en fait, pour moi, c'est une ébauche, en fait. Tu sais, c'est un début de travail, quoi. C'est pas une nouvelle terminée pour moi. C'est pour ça que ça n'aurait jamais dû être publié. Je ne comprends pas la volonté éditoriale de publier ça dans un recueil. Bah, dans un recueil, effectivement, ça m'échappe un peu. Je pense que c'est... À la base, dans le magazine, pourquoi pas, tu vois, il avait peut-être un truc à livrer et il avait que ça sous la main. Et donc, oui, voilà. Ou même dans un ouvrage consacré à King, tu vois, où au début, il dit, voilà, c'était une ébauche, mais après, j'ai recyclé ça, il donne des explications. Ouais. Voilà, mais là, ça serait un ouvrage consacré à lui et à ses nouvelles. Dans 22 là, histoires de sexe et d'horreur, à mon avis, c'est qu'il fallait quelques noms un peu prestigieux pour vendre la collection, parce que tous les auteurs de la collection ne sont pas aussi connus les uns que les autres. Il y a aussi Clive Barker et quelques autres gros noms, mais quand même pas tant que ça. Et donc avoir King, bah ça fait bien. Et bah, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles de King qui étaient disponibles pour être publiées dans 22 histoires de sexe et d'horreur, quoi. Et donc, mais surtout, bah, surtout de sexe, quoi. Oui. Et donc, bah, elle a pris ce qu'elle trouvait. Elle s'est dit, ouais, ah, c'est un mari qui trompe sa femme. C'est vaguement du sexe, quoi. Et voilà, banco. Ah oui, surtout que le personnage qu'on nous dépeint déteste ça, quoi. Oui, Oui, t'as juste deux, trois flashs où ça dit oui, il est en train de se taper sa collègue à la poste, mais ça va vraiment pas plus loin que ça. Et puis surtout, elle s'en réjouit, parce qu'elle se dit, du coup, bah, moi, c'est bon, j'ai pu le faire. Ouais. C'est vraiment comme ça qu'elle le dit, quoi. Donc, pour elle, c'est une libération, en fait, qu'il la trompe. Enfin, au début, en tout cas. Après, elle vrille, et donc elle veut se venger, mais au début, elle le vit comme une libération. Ce qui, du coup, est totalement à l'opposé de sexe, en fait. Oui, non, ça sexe pas beaucoup dans cette histoire. C'est vrai que là, on faudrait lire la suite, mais là, pour l'instant, je me sens un peu arnaqué d'avoir dépensé 1 € pour ce livre. Hein, Oui, voilà. plus 3 € de frais de port. Vraiment donner de l'argent. Hein. Je veux qu'on Oui, s'il rembourse vous mes plaît. 4 euros. Le coffee, s'il vous plaît, donnez. Et puis, alors, je sais pas le tien, hein, mais moi, le livre, il n'a pas été souvent lu. Hein. Il est en très bon état. Moi, les pages sont un peu abîmées, mais genre plus à cause de la vieillesse et de l'humidité qu'autre chose. Ouais, elles sont pas collées, ça va? J'espère pas. Pour l'instant, non. Alors, je tiens à lire un extrait aussi de, parce qu'il y a une petite introduction à chaque nouvelle par la personne qui a établi l'anthologie et qui dit de cette nouvelle: avec son remarquable talent pour mêler monstrueux et quotidien, Stephen King nous offre, avec Becky Paulson, cette héroïne extraordinairement ordinaire, une image du blessé en marche qui transcende tout psychobavardage. Bon. Alors non. Tu t'enflammes, Michel, là, clairement. Oui, calme-toi quand même, quoi. Voilà. Par curiosité, je lirai quand même au moins celle de Clive Barker, parce que c'est quand Oui. même un auteur que j'apprécie. Et puis il y en a une ou deux autres que je lirai quand même pour tenter. Alors je lirai, parce que je trouve le titre très joli, celle de T.L. Parkinson, Le tigre retourne dans la montagne. Voilà, je trouve le titre très joli. Oui, effectivement. Donc je la lirai, mais je pense que ça n'ira guère plus loin. À moins que celle-là soit vraiment formidable et que tu te rendes compte que peut-être il y a des très bonnes choses dedans. Hein. Voilà, bah, disons que la deuxième nouvelle s'appelle Les Amants de la mer. Bon, j'ai l'impression d'être devant un téléfilm d'M6, quoi. Donc, ça me vend pas trop de rêve. C'est peut-être très bien, les Amants de la mer. Celle d'après, Le Psychopompe, bon, me donne un peu plus envie. Bon, bref. On vous fera un épisode spécial 22 Ouais, histoires de sexe on a et que ça à d'horreur. faire. Non, mais voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de la nouvelle. C'est court. Effectivement, les révélations qu'on a aussi dans les Tommy Hawkers, en plus, elles arrivent trop d'un bloc pour marcher. Et bah, on. Je dirais pas qu'on s'ennuie vraiment. C'est trop court pour ça, tu vois. Oui, voilà. Mais. Ah oui, bah c'est lu en 30 minutes, c'est lu, donc t'as même pas le temps de t'ennuyer en fait. Ouais. Très bien, bah, on passe à l'adaptation. Oui, bah allons-y, hein. On est là pour ça. Ouais. Donc l'adaptation, c'est un épisode de la série d'anthologie Au-delà du réel, l'aventure continue, qui est juste appelée The Outer Limits en version En VO. originale, en VO. Il s'agit donc d'une reprise de la série Au-delà du réel, qui était diffusée entre 1963 et 1965, principalement de l'anthologie de science-fiction, normalement. Le revival en reprend d'ailleurs quasiment totalement l'accroche générique. Oui. La popularité d'autres séries de SF comme X-Files et de séries d'anthologie façon Conte de la Crypte ou probablement Creepshow a encouragé à relancer en fait Au-delà du réel dans les années 90. Originellement, elle est diffusée sur Showtime à partir du 22 mars 1995 sous forme d'épisode d'un peu plus de 40 minutes. La chaîne diffuse les premières saisons et Sci-Fi reprend la dernière. Ouais. Voilà, donc la septième, je crois, la dernière. Moi, j'aime bien les séries d'anthologie comme ça, avec un épisode, une histoire, ou même des fois, une saison, une histoire. Ça permet de pas, t'sais, de pas te lancer dans des trucs qui vont durer 10 000 ans. Et à la limite, c'est des séries que tu peux piocher comme ça. Oui. Voilà. Oui, bah, il y a toujours à boire et à manger, mais effectivement, le format est intéressant. Voilà, c'est ça, la Twilight Zone, ce genre de série, quoi. C'est ça, oui, j'aime bien le principe aussi. Alors, surtout, vraiment, une histoire par épisode, plus qu'une saison par épisode, pour moi. Oui. Et oui, je trouve ça intéressant comme format. Becky Paulson, c'est le 15e épisode de la 3e saison et il est diffusé originellement le 6 juin 1997. Pour ce qui revient dans tous les épisodes, la voix du générique est celle de Kevin Conway et le design du générique a priori est de Donald R. Beck. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations ni sur l'un ni sur l'autre, surtout pas sur Donald R. Beck. Le scénario de cet épisode est de Brad Wright, un scénariste très régulier de la série puisqu'il écrit ou participe à l'histoire de 15 épisodes, sans compter les épisodes clips, parce qu'il y avait souvent un épisode clip dans les saisons d'Au-delà du réel, qui reprennent des bouts des fois de ses autres épisodes, et donc il est crédité, mais il n'a pas réécrit de nouveaux trucs pour. Oui, d'accord. Il est en fait un des producteurs exécutifs de la série, et c'est aussi le co-créateur à la même époque de Stargate SG-1, puis ensuite de Stargate Atlantis et Stargate Universe, donc c'est quand même un acteur récurrent de l'univers Stargate. Ouais. Et il a aussi créé la série Les Voyageurs du Temps. Jonathan Glazer, qui est le co-créateur de Stargate SG-1, est d'ailleurs lui aussi dans l'équipe d'Au-delà du réel à la production. Le réalisateur, c'est Steven Weber, qui réalise un autre épisode dans la saison suivante et participe au scénario d'un épisode dans la saison 5. Mais Steven Weber, en fait, c'est quelqu'un dont on a déjà parlé plusieurs fois en tant qu'acteur, puisque la même année que Becca Paulson, c'est le Jack Torrance de Mick Garris. Ah, d'accord, oui. Il est aussi dans un épisode de Rêve et Cauchemar, un groupe d'enfer, et dans Désolation, où il joue le routier. Ok. Donc, c'est un acteur qu'on a vu plusieurs fois, et il joue d'ailleurs hein, dans son propre épisode, puisque c'est lui qui joue le mec du cadre photo. Oui, mentionnons-le, oui. Mentionnons-le tout de suite. En fait, la plus grosse différence entre la nouvelle et l'adaptation, c'est que dans la nouvelle, c'est donc une image de Jésus qui parle à Becky Paulson. Dans l'adaptation, c'est ces photos qu'il y a dans les cadres, mais les photos qui sont mises de base pour vendre le cadre. Oui. Les photos génériques qu'il a et d'un beau gars quelconque qui prend la pose, quoi. Ouais, l'idée de base est plutôt intéressante. Oui, je trouve ça rigolo plutôt comme idée. A priori, ce sont ces deux épisodes de la série, c'est ses seules tentatives en tant que réalisateur. Par contre, en scénariste, il a aussi coécrit Jennifer, l'épisode de Master of Horror de Dario Argento, que pour ma part, je trouve assez raté, mais je sais que toi, tu l'aimes plutôt bien. Ouais, ça va, je me suis passé un bon moment devant. Il est très gore, mais vous pouvez aller le voir. Master of Horror, c'est pareil, hein. c'est une série que j'aurais bien voulu voir durer plus longtemps que uniquement deux saisons. Oui, bah surtout que même en la reprenant aujourd'hui, il y aurait moyen de confier des épisodes à des nouveaux noms du cinéma horrifique, ça pourrait être un peu intéressant. Ouais, après, est-ce que c'est pas plus ou moins ce qu'a tenté le cabinet de curiosité de Del Toro au final? Bah, je sais pas, je l'ai pas moi vu. Moi non plus, mais j'ai l'impression que c'était plus ou moins l'idée quand même. Ouais. Je sais pas si c'est des gros noms à la réalisation des épisodes. Alors je me souviens plus de qui y a, mais il y a genre Anna-Lily Amirpour, celle qui a fait Girl Walks Alone at Night. Ouais. Qui est déjà pas mal, quoi, c'est... Oui. Je pense que ça a essayé de donner de la place à des réals, entre guillemets, émergents, qui n'avaient pas encore totalement fait leur place, mais qui pouvaient le faire, et donc c'était plutôt intéressant. Oui, alors que Master of Horror, c'était vraiment des vieux de la vieille. Hein. Oui. Dario Argento, on l'a dit, Carpenter, Joe Dante, voilà. Ouais, mais justement, au bout d'un moment, l'épisode de Joe Dante est très bien, ouais. Ouais, avec les morts vivants qui volent le droit de vote. Mais justement, ça aurait pu être intéressant parce que les vieux de la veille du cinéma horrifique, ils auraient été épuisés au bout d'un moment et donc ça aurait pu aller vers des nouvelles générations, ça aurait été intéressant. Oui, on est d'accord. Le casting de cet épisode, bon, il n'y a pas non plus de 150 personnes, mais dans le rôle de Becky, il y a Catherine O'Hara et ça nous permet de lui rendre hommage parce que Catherine O'Hara est décédée il y a peu de temps, le 30 janvier. Ouais. Alors... Moi, je la connaissais pour le rôle de la mère de Kevin dans Les Mamans, j'ai raté l'avion, par exemple. Oui, pareil. Ou c'est Delia dans les Beetlejuice, dans l'original et dans Beetlejuice, Beetlejuice. Donc la mère du personnage de Winona Ryder. Elle fait la voix de Sally dans Les Trois Joyeux de Monsieur Jack. Et en fait, elle a fait pas mal de doublages au cours de sa carrière, dans Chicken Little, Monster House, Élémentaire, Max et les Maxi-Monstres, Le Robot Sauvage, très récemment. Donc voilà, elle était pas mal active. Et elle a aussi réalisé un épisode d'Au-delà du réel, Glyphique, dans la saison 4. Voilà. D'accord. Et voilà, c'était une actrice pour laquelle j'avais un certain attachement. Et c'est dommage, c'est triste qu'elle soit morte. En plus, elle n'était pas si vieille que ça, quoi. Elle n'était pas très vieille. Son mari, Joe Paulson, est interprété par John Dill, qui, assez tôt dans sa carrière, joue dans les trois premières saisons de Deux flics à Miami, mais part parce qu'il commençait à s'ennuyer, et ensuite il est très actif au cinéma et à la télé, mais souvent dans des petits rôles. Il a plus de rôles très majeurs. Dans les un peu plus importants, on peut citer qu'il est un des rôles principaux de Land of Plenty de Wim Wenders, et il joue, c'est un rôle très secondaire, mais il joue Fred Trump, le père de Donald Trump, dans Armageddon Time. Ah d'accord. Et un excellent film, dont on a déjà eu l'occasion de parler, mais voilà, on peut toujours le conseiller. Oui, de James Gray, si je dis pas de conneries. Oui, c'est ça. Avec un excellent Anthony Hopkins. Ah bah voilà. Anthony Hopkins. Avec un excellent Anthony Hopkins. Mais ça fait partie des acteurs que Issam et moi, je pense, mettons sur un piédestal très souvent. Ah oui, c'est un excellent acteur, ouais. Et on peut citer aussi que John Dill est pas mal actif au théâtre. Le vétérinaire qui apparaît lors d'une assez longue scène, le docteur Fink, est interprété par Bill Dow, qui a aussi joué un docteur dans plusieurs épisodes de X-Files et un docteur dans Stargate Universe. Lui aussi a une carrière au théâtre et il joue surtout des seconds rôles à l'écran. Et enfin, la pote au centre commercial est interprétée par Marilyn Nori et on retrouve le même profil des rôles secondaires à l'écran et une carrière sur scène. Elle est dans un épisode de Stargate SG-1. Voilà. Elle est tellement insupportable. Oui, totalement, oh là là. Ouais. C'est vraiment le cliché de la femme au foyer qui ne fait qu'étaler des ragots, etc. Le personnage est très cliché. Après, c'est voulu, donc ça va, mais elle est... Disons que la scène où elle est dure trop longtemps, quoi. Donc, oui, voilà, c'est ça. Insupportable. La photo est de Richard Wincenti, déjà actif à la télé depuis un bon moment. À l'époque, il était sur Catwalk ou Highlander, par exemple, la série Highlander. Et sur Au-delà du réel, il travaille sur une trentaine d'épisodes. Donc c'est un des directeurs photo très récurrents de la série. Ouais. À la musique, le thème principal est de John Van Tongeren et Mark Mancina, et la musique de l'épisode lui-même est de John Van Tongeren. Et je vois citer dans certaines sources Michael Klinko, mais il n'est même pas cité au générique, donc je ne suis pas certain. Van Tongeren est compositeur des musiques de 62 épisodes de la série, donc c'est vraiment le compositeur récurrent de cette série. Il est d'abord claviériste de session pour différents artistes avant de se lancer dans la musique de films et de séries en entrant dans les studios Media Ventures, donc désormais Remote Control, de Hans Zimmer, où il travaille comme assistant et compositeur additionnel. Et toute sa carrière, il alterne entre des travaux en tant que compositeur principal et d'autres où il fait partie de l'équipe musicale à différents postes. Et Mark Mancina a un profil assez similaire. Chez Tongeren, en compositeur principal, on peut mentionner qu'à l'époque d'Au-delà du réel, il est sur la série Poltergeist, Les Aventuriers du Surnaturel, et il a aussi été sur Les 4400 ou The Tom and Jerry Show. Mancina, lui, on peut mentionner que c'est le compositeur des BO de Speed, Bad Boys ou Training Day, par exemple. D'accord. Et en plus, des BO qui restent un peu dans la tête, quoi. Oui, mais pour le coup, passé les années 90 et début 2000, Mancina, j'ai l'impression qu'il a plus fait grand-chose d'autre de majeur, sans que je sache trop pourquoi, parce qu'il n'est pas plus mauvais que pas mal de compositeurs du même studio. Donc, voilà. Ah ouais, carrément. Et la musique de l'épisode est sympathique, mais rien ne la dénote particulièrement, quoi. Ça fait très musique de comédie, plutôt, parce que l'épisode a un ton comique beaucoup plus net, mais ça fait très musique de comédie assez lambda. Oui. Comme c'est un épisode dans une anthologie, je vais pas avoir les notes Letterboxd et Rotten Tomatoes, mais pour la curiosité, je peux mentionner que sur IMDb, il a 6,5 étoiles. Voilà. Pas mauvais, donc. Non, c'est pas mal. Et ben, on va pouvoir passer à notre avis à nous. Qu'as-tu pensé de l'adaptation des révélations de Becky Paulson ? Ça se regarde, quoi. Puis voilà. Ça se regarde et puis ça s'oublie, surtout. C'est beaucoup trop long, quoi. C'est beaucoup trop long pour ce que ça raconte. Et c'est dommage parce que le casting est pas si mauvais que ça. Mais... En fait, ça aurait dû être dans une anthologie où les épisodes sont coupés en deux, tu sais, comme les Contes de la Crypte, où c'est un épisode dure 40 minutes, mais où c'est deux, en fait, des histoires de 20 minutes chacune. Là, je pense que ça serait beaucoup mieux passé, parce que là, mais qu'est-ce que c'est long, il y a des scènes qui sont interminables, comme on en a parlé, mais celle où elle croise sa pote dans l'espèce de magasin, là, et pourtant, ça dure que, allez, ça doit peut-être durer entre 3 et 5 minutes, mais c'est long, t'as l'impression que ça dure des minutes et des minutes. Et moi, j'ai eu cette sensation-là sur tout l'épisode, quoi. Vraiment, ça ne s'arrête jamais. Il y a des scènes qui sont interminables. La scène vers la fin de l'épisode où le mari reçoit ses potes pour ses parties de poker mensuelles, là, c'est interminable. Puis en plus, le mari est détestable, hein, parce que tout le long de l'épisode, il fait des réflexions ultra oppressantes et cringe à sa femme, c'est... T'as envie de distribuer des claques. Oui, quoi. Mais ça, à la limite, c'est volontaire qu'il soit détestable. C'est dans le propos. Oui, c'est volontaire, ouais. Clairement, mais c'était long. Voilà. Et bien entendu, hein, série télé oblige la réalisation à rien de fofolle. L'éclairage, il est lambda. Voilà, quoi. Oui, je suis d'accord sur le fait que c'est trop long. Après, je trouve ça, au final, un peu mieux que la nouvelle parce que ça assume plus le côté comique. Notamment oui, avec oui. Justement le fait que le cadre ce soit une photo générique avec Steven Weber qui joue le beau gosse lambda. Catherine O'Hara, c'est une bonne actrice, donc elle amène pareil une dimension comique à son personnage. Donc je trouve ça plus divertissant que ne l'est, la nouvelle. Mais effectivement, ça aurait gagné à durer 10 minutes de moins, au moins. Le truc, c'est que c'est des séries qui avaient un format prédéfini. Quoi. L'épisode, il devait durer 50 minutes, il n'y avait pas tellement de choix. Et voilà, c'est ça. Et là, en effet, ça nuit à l'épisode. Moins les pubs, voilà. Ouais. Mais dans une autre série d'anthologie qui aurait été plus sur du format 30-35 minutes, en fait, ça aurait pu être vraiment sympa, je pense. Oui, voilà, c'est ça. Je trouve au final trop long, et donc du coup, le rythme s'en fait sentir. Quoi. Ouais. À la limite, je l'ai vu un peu signalé, et effectivement, pour un épisode d'Au-delà du réel, c'est un peu surprenant, parce qu'Au-delà du réel, c'est quand même pas mal centré science-fiction et compagnie, normalement. Et là, c'est quand même très léger à ce niveau-là, à part les machines que fabrique Becky, mais qui vont être relativement limitées. Bon, il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire niveau science-fiction, tu vois. Non, il y a même quasiment rien. Ouais, on se demande un peu comment cet épisode s'est retrouvé là, à part, encore une fois, pour avoir le nom de King... Il n'a pas vraiment de nouvelles très orientées science-fiction, à part celle L'Excursion, mais je ne sais pas si elle était déjà sortie à l'époque. Ah oui, je ne sais pas non plus. Non, mais effectivement, en fait, c'est une nouvelle qui se serait mieux portée, je trouve, dans une série comme Creepshow. Oui. Parce que au moins, Creepshow, tu avais ce petit côté humour un peu noir, que là, on retrouve totalement dans cet épisode. Oui, même dans Tales from the Dark Side, ça aurait eu sa place. Oui, aussi, oui. Mais en effet, dans Au-delà du réel, c'est un peu surprenant. Donc, dès le début, ça montre l'accident donc, de Becky qui se tire une balle dans la tête en voulant nettoyer le fusil. Et il y a plusieurs détails un peu rigolos, alors qui étaient aussi dans la nouvelle, mais genre le fait qu'elle se mette un tout petit pansement à la place oui. de la plaie. Bon, c'est un peu drôle, tu vois. On voit totalement qu'il y a un trou derrière et son mari vraiment ne fait pas attention. Il y a un ton gaguesque qui, pour moi, fonctionnera plusieurs fois dans l'épisode. Là, il y a d'ailleurs, juste après le coup de feu, il y a la bonne idée de réalisation, la seule de tout l'épisode, pour moi. C'est, après le coup de feu, la caméra se rallume, on est dans le trou. Oui. C'est avec la balle qui est logée dans le crâne, et donc la caméra recule, et là, on sort, et on se rend compte qu'en fait, on était dans le crâne de Becky. Oui. Voilà, il aurait fallu la bonne idée de réalisation de l'épisode. Il aurait fallu que ça en joue un peu plus de ce genre de truc. La suite, effectivement, montre que le mari ne communique pas du tout avec Becky, ne fait pas du tout attention à son état et s'en fiche complètement. Mais ça montre bien que le couple ne communique pas et encore une fois, c'est un peu rigolo. Ah oui, il mate carrément des magazines érotiques devant elle. Ouais. En général, c'est pas le genre de truc tu fais devant ton ou ta compagne ou compagnon. Ah, ou alors c'est qu'il y a vraiment une entente à ce niveau-là, mais là, oui, clairement, c'est pas le cas, ouais. Oui, ou alors, vous le faites ensemble. Ouais. Voilà, tu vas regarder des trucs un peu érotiques, slash porno, à la limite, en couple, ça peut se faire. Dans certains couples, forcément, ça se fait. Mais là, en l'occurrence, bon... Ah, feuilleter le catalogue Ikea en couple, le summum de l'érotisme. Alors, Ikea, non, Redoute, plutôt, tu veux dire. Non, j'ai bien dit Ikea. Ils sont bien montés, ces meubles, quand même. Parce que là, c'est vraiment un magazine de maillot de bain, qui regarde. Oui, c'est complètement un magazine de pin-up. Et puis oui, il rentre en mode, il met les pieds sous la table, il bouffe, voilà, il en a rien à foutre d'elle. Donc oui, on voit que la relation n'est pas au beau fixe, effectivement. Le lendemain, pareil, il y a la scène un peu rigolote, où elle enfonce son crayon à maquillage dans la plaie laissée par la balle, ouais. Et le crayon qui va vraiment à 3 km. C'est plutôt rigolo, il y a un côté gaguesque qui fonctionne bien. Oui, alors que dans la nouvelle, vraiment, tu ne comprends pas ce passage, quoi. Bah, tu comprends ce qui se passe, mais tu comprends pas le but du passage. Ouais, le ton est beaucoup moins clair. Bah, c'est pour voir jusqu'où s'est logé la balle, je pense. Mais oui, c'est moins net au niveau du ton. C'est là que le portrait commence à lui parler. Ouais. Et donc, c'est Steven Weber qui interprète l'homme dans le cadre. Oui, forcément. Et bah, je le trouve marrant. Il joue le beau gosse qui... totalement détendu, qui donne des conseils totalement pétés. Moi, je le trouve rigolo, tu vois. Oui. Ah, puis ça fait moins gnangnan que Jésus, quoi. Jésus, ça peut marcher s'il y a toute une réflexion derrière sur le rapport à la religion, etc. Oui, voilà. Ce qui aurait dû être le but de la nouvelle, mais qu'elle le fait pas, ouais. Voilà. Est-ce que tu as remarqué que l'annuaire téléphonique qu'elle a dans les mains à ce moment-là ? Non, j'ai pas fait gaffe. C'est un annuaire téléphonique de la ville de Derry. Ah ouais, ah non, bah j'avais pas fait attention. Mais oui, effectivement, il est bien plus drôle que le Jésus de la nouvelle. Ah, la carrière d'humoriste de Jésus n'est pas faux-folle, hein, de manière générale. Oui, effectivement, c'est vrai qu'au-delà de ça... Ses stand-up n'étaient pas hilarants. Hein. Bah, il avait la particularité de faire des stand-up où il se tient debout sur l'eau. Tu vois, c'est sympa. Oui, c'est... Non, mais la mise en scène était pas mal, mais la qualité d'écriture, bon... Ouais... Le sermon sur la montagne, ça manque de punchline, quand même. C'est vrai. Mais donc voilà, un annuaire téléphonique de la ville de Derry. J'aime bien que c'est des petits clins d'œil comme ça, qui sont discrets, qui sont pas appuyés. Ouais, je l'avais même pas repéré, tu vois. Voilà, bah oui, parce que c'est discret et pas appuyé. Et donc, bah, en général, c'est les meilleurs clins d'œil. Voilà. Je suis d'accord. D'accord, monsieur Flanagan. C'est la pique de l'épisode à Flanagan. Il faut toujours... Donc, bah, Becky panique un peu de voir un cadre photo qui lui parle, et donc elle sort en courant, terrifiée. Là, pareil, la réalisation, elle aurait été très convenue de tout à coup couper sur l'extérieur, sur un plan large, et de la voir sortir en criant après quelques secondes. Mais je trouve que c'est un effet comique qui marche, tu vois. Oui, c'est convenu, c'est vieux comme le monde du cinéma, mais effectivement, ça a un petit effet. Bon, dans un premier temps, elle refuse quand même d'accepter qu'un portrait lui parle, et elle cherche à couper court à la conversation. Elle reçoit aussi un appel de son père mort qui était très croyant et qui lui dit qu'elle est folle. Là, tu vois, je trouve que c'est en trop. Alors, encore une fois, c'était déjà dans la nouvelle, tout le lien avec le père, mais c'était déjà pas assez développé dans la nouvelle et ça le sera pas plus et pas mieux dans l'adaptation. Donc, ça fait juste élément en trop. Oui, parce que là, c'est juste son père qui est mort qui l'appelle. Ouais, c'est ça. C'est tout. Et voilà. C'est juste pour appuyer le fait qu'elle est en train de vriller, quoi. Oui. Mais je pense qu'il y a des moyens... qui aurait mieux collé au format épisodique d'une série que celui-là. Bah, ça aurait mérité de plus développer, justement, les technologies, toutes les machines qu'elle commence à fabriquer. Surtout, encore une fois, qu'on est dans Au-delà du réel, qui normalement laisse pas mal de place à la science-fiction. Ça aurait été intéressant de développer cet aspect-là, toutes ces petites créations, qu'elle fasse des machines de plus en plus improbables. Mm. Mais non, ça sera pas suffisamment bien développé en spoiler. Voilà. Là, on arrive sur, je trouve, le gag qui vraiment m'a fait rire. Elle va chez le médecin pour se faire ausculter. Et en fait, on se rend compte qu'il est vétérinaire. Oui. Moi, je trouve ça très drôle. Ce qui était dit avant, je crois. Hein. Mais oui, c'est effectivement, elle va chez le véto parce que l'autre médecin, on comprend qu'il a pris sa retraite ou qu'il est plus actif, en tout cas. À qui il est mort. Ouais. C'est dit après. Et donc. J'aime bien parce que le veto a une trace de griffure sur le front. Oui. Puis alors déjà, tu te dis, bon, en tant que veto, il a pas l'air incroyable. qu'est-ce que t'as envie de lui faire confiance pour la médecine humaine, quoi. Et puis effectivement, la discussion est rigolote. J'aime bien quand il veut regarder la blessure et qu'il met un méga gant qui est normalement utile pour quand t'auscultes vraiment des gros animaux, genre des vaches ou des trucs comme ça. Oui. Mais là, c'est juste, ça lui fait une main énorme, c'est pas pratique du tout, ça doit pas être... ça doit, là, tu dois avoir aucune sensation au bout des doigts avec un machin comme ça. Et puis, en fond sonore, t'as les chats qui se plaignent, parce que forcément, une clinique vétérinaire, bah, vous vous doutez bien qu'on entend des animaux. Voilà, ça apporte un petit truc à la scène. Ouais, ouais, toute cette scène est vraiment bien jouée et est plutôt drôle. Hein. Alors, j'ai pas vérifié si le nom du médecin du veto est le même que dans les Tommy Knockers, où il y a aussi un vétérinaire que la protagoniste va voir au début avec son chien. J'ai pas fait gaffe, je t'avoue. Donc, cette scène, effectivement, est probablement la meilleure, en fait, de oui, l'épisode. Et ça enchaîne sur celle dont on parlait tout à l'heure, qui est trop longue, où elle va dans le magasin, dans le grand magasin, dans la supérette, et où elle croise oui. Une amie slash voisine. Qui est méga bavarde, méga intrusive, etc. Et du coup, elle a aussi, en parallèle, elle a des visions d'elle qui est en train de lui parler, quoi, qui dit des trucs en fait, qu'elle ne dit pas, simplement, elle s'imagine en train de lui dire des horreurs. Oui, ou alors elle lit dans son esprit et elle devine ce que pense d'elle, en réalité, la femme. C'est possible aussi. Oui. C'est un peu comme ça que je l'ai interprété. En fait, le seul moment que je sauve dans tout ce moment-là, c'est quand elle recroise donc, la photo avec le portrait de l'autre, là, où les cadres photos sont vendus sur plusieurs étagères, et donc t'en as plein. Voilà. Oui, ça aurait mérité d'être plus développé, tu vois, parce qu'après, on sait qu'elle en achète plusieurs, des cadres, et ça aurait pu être rigolo qu'il y ait des conversations qui se nouent, y compris entre les cadres, etc., tu vois. Oui, parce que là, en fait, t'en as qu'un seul, finalement, qui est animé. Ouais. Alors que ça aurait été rigolo qu'effectivement, ils soient tous animés, et genre, l'un termine la phrase de l'autre, et ainsi de suite. Ouais. Peut-être un truc après, qui est pas possible, faute de budget. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Peut-être que le budget est fait qu'ils n'ont pas pu, on ne sait pas. Mais du coup, c'est dommage. Ce qui est un peu une bonne idée, c'est que peu à peu, va y avoir des manifestations 3D du cadre. Au début, il reste oui. Animé, mais en 2D dans sa photo. Et peu à peu, on comprend qu'il peut faire des trucs de plus en plus avec la profondeur. Oui, il peut un peu sortir la tête hors du cadre. Il va faire quand elle va trifouiller la télé. Alors, à la limite, s'il y a un truc qui m'a fait un peu rire le soir quand Joe revient et qu'elle sert le repas et que sa saucisse est découpée en minuscules morceaux à lui, alors que celle de Becky est entière, voilà. Oui. Ah, c'est pas très fin, mais c'est rigolo. En effet, les relations entre les deux s'enveniment parce que Becky comprend que Joe la trompe avec... enfin, le cadre lui dit que Joe la trompe avec sa collègue Nancy Voss. Ouais. Il y a le même, c'est marrant parce qu'il y a le même délire que dans la nouvelle. C'est-à-dire, c'est pas, il la trompe pas avec une petite jeune, il la trompe avec une femme d'âge mûr. Enfin, d'âge mûr, j'aime pas cette expression. Une cinquantaine d'années. Oui. En fait, de son âge à elle, voire un peu plus vieille même. Ouais. Ça va un peu à l'encontre, finalement, de tous ces clichés qu'on a l'habitude de voir, où à chaque fois, le mari trompe sa femme avec une femme beaucoup plus jeune, quoi. Oui. Oui, ce qui est aussi présent, encore une fois, dans la reprise de... dans les Tommy Knockers. Des Tommy Knockers. Ou Nancy Voss est pareil dans la cinquantaine, quelque chose comme ça. Ouais. Elle fabrique ici son aspirateur automatique, qui est mentionné aussi dans la nouvelle, mais encore une fois, ça ne sera pas plus exploité que ça. Ça aurait été rigolo de voir la maison se remplir vraiment de trucs technologiques un peu improbables. Ça aurait été intéressant de développer cet aspect-là. Oui, parce que ça aurait pu créer des scènes rigolotes après, quand le mari reçoit ses potes pour le poker, il tombe sur des machines étranges, ouais. Où il voit des machines étranges se balader dans la baraque. Ça aurait pu donner des trucs intéressants, mais pas du tout. Ouais, encore une fois, je pense que c'est le budget qui pose problème ici. À mon avis, c'est un épisode qui a été fait en partie parce qu'il n'a pas dû coûter cher, moins cher que d'autres, parce qu'il n'y a vraiment pas grand, oui. Beaucoup d'éléments, en fait, qui relèvent de la SF, des effets spéciaux. Il te remplit le programme pour une semaine. Ouais, voilà, et ça permet de mettre peut-être un peu plus d'argent dans des trucs plus ambitieux. C'est peut-être ça hein, qui a guidé la réalisation de cet épisode. Ou alors, tu sais, ou alors, en vrai... 97, King est déjà un peu au sommet, les droits ont peut-être oui, coûté un peu plus cher que pour d'autres épisodes. Hein. Ouais, même du coup, si... ça a peut-être bouffé une partie du budget. Même si pour cette nouvelle-là, honnêtement, vu que c'est un truc, comme on disait, brouillon réemployé autre part, j'espère qu'il les a pas fait pour trop cher, les droits. J'espère qu'il a au moins eu cette sympathie. En fait, cette nouvelle, c'est l'inverse des $1 baby. Ouais. Les $100 baby. La partie de poker où Joe se moque de Becca, donc on en a parlé, elle est trop longue, même si ça permet de bien montrer que Joe est un connard qui mérite un peu quand même ce qui va lui arriver. Oui, clairement. D'autant qu'il se ridiculise au poker, hein, il est vraiment médiocre a priori, même ses amis se foutent de sa gueule. Oui, bah, tout ce qu'il a c'est des paires. Oui, bon ça à la limite ça arrive, c'est pas de chance, mais du coup tu joues pas tout ton argent quant à ça. Oui, voilà, c'est ça. Et on passe bah, assez vite au lendemain sur Becky qui... Non, attends, t'as la séquence où elle vrille. Ah oui, oui. La comme je la trouvais pas intéressante, j'en ai pas parlé, mais oui, vas-y. C'est pour ça qu'on va en parler, c'est parce que c'est pas intéressant. Elle déverse le pot. Parce que vous savez, aux États-Unis tout est vendu dans des pots énormes, hein. Même les cacahuètes, c'est vendu dans des pots de 40 litres. Elle lui déverse le pot dessus, mais sauf qu'elle pense que c'est des espèces d'insectes, quoi. Alors qu'en fait, non, c'est juste des cacahuètes. Mais voilà, ça tente une séquence un peu horrifique. Ça tente. Ouais, mais ça ne dure pas. Ça tombe à plat. Ouais, voilà, c'est ça. Après, le lendemain, elle reste toute la journée inactive chez elle, sans rien faire, mais Joe ne s'inquiète toujours pas plus que ça quand il revient. Et c'est ensuite qu'on passe directement à la fabrication de l'aspirateur piégé. De la télé piégée, pardon. Il est tellement omnubilé par sa relation extra-conjugale, il en oublie la soirée de pizza, quoi, du vendredi. Oh là là, quand même, la soirée pizza du vendredi, pourtant. Ah oui, comment tu peux oublier bah ça ouais. Pauvre con. Donc elle fabrique la télé piégée, et là, bah, même reproche que dans la nouvelle, ça arrive trop comme un cheveu sur la soupe, on n'a pas eu assez de préparation autour de toutes ces machines pour que ça marche vraiment, donc ça prend pas trop. Ah ouais. Et puis même elle, quoi, t'as pas de montée de haine, enfin, tu la sens pas, quoi. Oui. La montée de colère qu'elle peut éprouver envers lui, quoi. Oui, c'est ça, alors qu'il a multiplié les attitudes de plus en plus dégueulasses, mais c'est vrai que ça s'est pas assez répercuté chez Becky. Ah oui, autant lui, justement, il devient de plus en plus exécrable, et pour le coup, c'est plutôt bien dosé, mais alors elle, pas du tout. Ouais. Et donc, Joe s'électrocute sur la télé. Becky, comme dans la nouvelle, comprend qu'elle a halluciné et que l'homme du cadre n'existe pas ou que c'est une partie mauvaise de son esprit. Et elle s'électrocute, elle aussi, en voulant tirer Joe pour le sauver. Ouais. Et ça se termine sur les deux qui s'écroulent par terre, reines mortes, avec une petite musique de Noël ouais. Qui va totalement à l'encontre de ce qu'on voit et qui, du coup, crée cette petite dissonance... Oui, et puis il y avait cette idée un peu rigolote aussi du fait que tous les cadeaux de Noël qu'elle avait préparés, c'était des cadres avec la photo oui. du gars. Genre chacun allait avoir son petit cadre, elle était vraiment obnubilée par ça. Ouais, elle les emballait pendant la partie de poker. Ouais. Ouais. Mais voilà, c'est pas extraordinaire encore une fois et c'est trop long, mais c'est pas un mauvais moment. Si vous voulez la regarder, pourquoi pas. Ouais, bon, après, c'est... Ce soir, on l'aura tous les deux oublié. Hein. Oui, certes, mais bon, faisons notre métier. C'est vrai que maintenant qu'on a un coffee, c'est que vous pouvez gagner de l'argent. Est-ce qu'on peut dire que c'est un métier? Ah bah là, on a intérêt à se faire un salaire avec ça. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On passe à une scène? Bah oui, il faut. Je t'évoque à Noël, à Pâques, mais je n'attends plus ton comeback. Petit Jésus, tu m'as déçu. Très bien, nous allons lire un extrait qui correspond à la première conversation entre Becky et, dans la nouvelle Jésus, dans l'adaptation L'Homme du Cadre. Nous ferons une coupe dans l'extrait écrit parce qu'il y a un long moment de réflexion de Becky dans sa tête que je vais supprimer. Je signalerai où. Je lis donc l'édition Albin Michel Pocket de 22 histoires de sexe et d'horreur. Je commence tout en bas, la dernière ligne de la page 33. La traduction de cette nouvelle est de Dominique Dill. Elle se penchait pour allumer la télévision quand Jésus dit « Becky, Joe s'enfile la garce presque tous les jours à l'heure du déjeuner, et parfois aussi le soir après le travail. Une fois, il était tellement excité qu'il l'a fait pendant qu'il devait l'aider à trier le courrier, et tu sais quoi ? Elle a même pas dit « Attends au moins que j'ai fini de trier les lettres urgentes !» Et c'est pas tout. Becky parvint à pousser un cri et renversa son soda sur l'écran du téléviseur. Un miracle, se dit-elle plus tard, quand elle fut capable de penser que le tube n'ait pas explosé. Sa brioche à la confiture tomba sur le tapis. Jésus traversa la moitié de l'image, sa robe flottait autour de ses chevilles et il s'assit sur un rocher qui émergeait du sol. Il tenait sa houlette entre ses genoux et regardait Becky d'un air sombre. « Il se passe tellement de choses à Evan que t'en croirais pas la moitié. » Becky poussa un nouveau cri et tomba en avant. Un de ses genoux atterrit sur son morceau de gâteau, projetant de la confiture de framboise sur le museau d'Ozzy qui était arrivé en rampant dans le salon pour voir ce qui se passait. « Seigneur, Seigneur !» s'exclama Becky. Ozzy se précipita en feulant vers la cuisine où il se glissa sous le poêle, du sirop rouge dégoulinant de ses moustaches. Il y passa le reste de la journée. « Aucun des Paulson n'a jamais été bon à grand-chose, » continua Jésus. Un mouton s'approcha de lui et il l'écarta brutalement de sa houlette avec une impatience distraite que Becky, en dépit de sa paralysie passagère, compara à celle de son père. Le mouton s'éloigna en ondulant un peu à cause de l'effet de troisième dimension de l'image. Il disparut, semblant même s'incurver tandis qu'il sortait du cadre, mais ce n'était qu'une illusion d'optique, elle en était certaine. « Que non !» déclara Jésus. « Le grand-père de Joe était un coureur de jupons invétéré, comme tu le sais, Becky. Il a passé sa vie à ouvrir sa braguette. Et quand il est arrivé ici, au ciel, tu sais ce qu'on lui a dit ?»« Pas de place !»« C'est ça qu'on lui a dit, » insista Jésus en se penchant en avant, appuyé sur sa houlette. « Va donc voir l'autre au sabot fendu, là-bas, en dessous, » qu'on lui a dit. « Tu trouveras là le havre qu'on t'a promis. » Mais il se pourrait que ton nouveau propriétaire te demande un sacré loyer et ne baisse jamais le chauffage, qu'on lui a dit. Chose incroyable, Jésus lui fit un clin d'œil, et c'est alors que Becky s'enfuit de chez elle en courant. Là, je saute environ deux pages pour reprendre au dernier paragraphe de la page 36. Becky baissa les yeux et vit du sang sur son genou gauche. Elle cria à nouveau et courut dans la maison pour appeler un médecin, police secours, n'importe qui, n'importe quoi. Revenue dans le séjour, elle tripotait le cadran du téléphone, le combinait à l'oreille, quand Jésus dit « C'est seulement de la confiture de framboise de ta brioche, Becky. Pourquoi tu te calmes pas avant d'avoir une crise cardiaque ?» Elle regarda le téléviseur et laissa tomber le combiné sur la table, où il atterrit en faisant clonk. Jésus était toujours assis sur son rocher. Il semblait qu'il avait croisé les jambes. Sa ressemblance avec le père de Becky était étonnante, mais il n'avait pas l'air sévère, prêt à se mettre en colère sans crier gare. Il la regardait avec une patience douce, bien qu'exaspérée. « Vérifie un peu, et tu verras si j'ai pas raison, » dit Jésus. Elle toucha légèrement son genou, grimaçant de la douleur qu'elle s'attendait à ressentir. Il n'y en eut pas. Elle aperçut les graines dans le sirop rouge et se détendit. Elle lécha la confiture de framboise sur ses doigts. « Et puis, » continua Jésus, « il faut que tu te sortes de la tête cette idée que tu entends des voix et que tu deviens folle. C'est seulement moi, et je peux parler à qui je veux, comme je veux. Parce que vous êtes le sauveur. » « Tu l'as dit, Becky. » Il baissa les yeux. En dessous de lui, sur l'écran, deux portions de salade dansaient pour montrer leur joie d'avoir été assaisonnées avec la Hayden Valley Ranch Dressing. « Et je voudrais, s'il te plaît, que tu éteignes ces conneries, si ça ne te fait rien. On peut pas parler quand cet appareil est allumé. Et puis ça me chatouille les pieds. » Becky s'approcha du téléviseur et l'éteignit. « Seigneur, » murmura-t-elle. Très bien. Et maintenant, la scène équivalente dans l'adaptation. Voilà, donc ces deux versions assez proches dans leur structure. Évidemment, toute la partie à l'extérieur qu'on a sauté à l'écrit est beaucoup plus courte dans l'adaptation parce qu'on n'a pas 5 minutes de Becky qui réfléchit toute seule. Oui, oui, j'ai donc raté. À l'aide. Là, le ton comique dans la série et dans la nouvelle est assez net avec Jésus qui... Enfin, dans la manière dont est décrit Jésus et compagnie. Mais voilà, je préfère aussi la version qui est proposée dans l'adaptation où c'est le mec du cadre photo. Oui, clairement. Bah, je trouve que l'aspect comique est bien plus lisible dans l'adaptation que dans la nouvelle. Bien plus efficace, en tout cas. Et puis, le seul passage qui m'a fait un peu sourire dans la nouvelle, c'est vraiment Jésus qui se plaint de la télé allumée en lui disant que ça lui chatouille les pieds. Quoi. Voilà. Bah, et puis en fait, ça rajoute un thème, encore une fois, celui de la religion, qui ne sera pas assez développé, tandis que le mec du cadre photo, dans l'adaptation, ça accompagne le thème de la femme au foyer qui a aucun désir, qui attend plus rien de la vie et qui en est au point de désespoir tel dans son mariage qu'elle fantasme sur le beau gars de la photo du cadre, quoi. Et voilà. Mais ça va qu'on est dans Becky Paulson, elle serait dans The Room, ce serait une photo de cuillère dans le cadre. Imagine une cuillère qui parle. Mon Dieu. Mais bah, je pense que l'adaptation marche en grande partie parce que les deux sont très bien. C'est-à-dire Catherine O'Hara joue bien son rôle et Steven Weber s'amuse bien dans son rôle de beau gosse cliché, quoi. Oui, je pense clairement que le casting n'aurait pas été le même. On aurait été probablement plus sévère sur l'adaptation. Bah oui, c'est ça. Pas plus. Le casting n'aurait pas été le même. Le casting n'aurait pas été aussi qualitatif, ouais. Plutôt, disons ça. Mais donc voilà, c'est un peu rigolo à voir. La nouvelle, franchement, je vous conseille pas de la lire. Alors, en version anglaise, vous la trouvez assez facilement en PDF. Donc, à la limite, si vous y tenez absolument, faites-le comme ça. En français, vous êtes obligé de recourir à 22 histoires de sexe et d'horreur. Et à moins que les 21 voilà. Autres histoires soient extraordinaires... Je ne suis pas certain de vous conseiller ça. En plus, après, vous allez devoir expliquer pourquoi vous avez un bouquin avec un démon moche qui tient une femme bizarre à poil dans ses bras dans votre bibliothèque. Voilà. Voilà. Mais n'oublie pas, Issam, que rien ne ressemble plus à un frisson de plaisir qu'un frisson d'horreur. Ouais. Non, en plus, ouais. Vraiment, la première de couverture, c'est recouvert de texte parce qu'il y a le nom de tous les auteurs en haut. En dessous, il y a le titre et en dessous, il y a le truc que faisait Pocket à l'époque de mettre du texte par-dessus, par-dessus les images. Pocket faisait beaucoup mettre ça. Le début du roman, en fait. Oui, et du coup, le début de Becky Paulson, vu que c'est la nouvelle qui ouvre. Ah oui. Mais c'était une habitude des éditions Pocket et c'était pas une très bonne idée, en vrai. Non, c'était moche. Ouais, ils ont bien fait d'abandonner ça. Oui. Je propose qu'on passe au classement. Eh ben, allons-y. Donc le classement, comme d'habitude, le classement livre, donc écrit, roman et nouvelle, c'est moi qui m'en occupe, alors que mon camarade Issam s'occupe des adaptations, donc films et séries télé. Au niveau des écrits, nous en avons actuellement 73, les 5 premiers étant Sacdos, Cimetière, Ça, Charlie et Histoire de Lycée, et les 5 derniers étant L'année du loup-garou, Dr. Sleep, Le cinquième quart, Grand Chauffeur et Les Tominokers. Eh oui! Les fameux. Quoi, tous recoupent. Ouais. Et les révélations de comment elle s'appelle déjà? Becky ou Becca, selon la version. De Becky Paulson. J'ai l'impression qu'en VO, c'est Becca, du coup. Ouais. Ah, il en baille, le pauvre. Bref, les fameuses révélations, déjà, c'est Flop 5. Hein. Ouais, oui, clairement. Après, alors, c'est pas mieux pire que les Tommy Knockers, parce que ça dure que 20 pages. Oui, voilà, et c'est mieux que Grand Chauffeur aussi. Voilà, parce qu'il n'y a pas tout cet aspect rap in revenge mal écrit. Ouais. Quoi. Mais bah, au moins, le cinquième quart, ça raconte une histoire. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu plus une histoire dans le cinquième quart, même si elle est quand même très cliché. Hein. Elle n'est pas bien, l'histoire du cinquième quart, mais oui. Ah oui, non, mais elle est cliché, mais au moins, il y en a une. Oui. Tu vois, et voilà, bah, Dr. Sleep, c'est de la merde, mais au moins, il y a une histoire. Oui, il y a une ou deux scènes qui marchent. Dans Dr. Sleep, on l'avait mentionné. Voilà. Voilà. Donc, pour moi, les révélations de Madame Paulson, voilà, parce que ça, au moins, ça change pas, ça va, nouveau 71e, en fait, ça remplace le 5e quart, la 71e. Donc, au-dessus du 5e quart, je croyais que tu voulais le mettre en dessous. Du coup, 72e, ça remplace. Entre le 5e quart et Grand Oui, donc chauffeur. Ça prend la 72e, ah oui. Ça me va. Le nouveau 72e, pardon. Ouais, les révélations de Becky Paulson prend donc la 72e place. C'est une version courte, très courte des Tommy Knockers, ce qui est déjà quand même pas mal. Oui. Au niveau des adaptations, il y a 115 œuvres de classées pour le moment, avec aux 5 premières places Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Astrom, No Smoking d'Anurag Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Shining de Stanley Kubrick, et aux 5 dernières Children of the Corn Genesis de Joël Soisson, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, Doctor Sleep de Mike Flanagan, You Can't Kill Stephen King de Ronnie Khalil, Monroe Man et Jorge Valdasiga, et Room 237 de Rodney Asher. Et là, bah oui, on va remonter au niveau de l'adaptation parce qu'elle est un peu rigolote, tout de même, comme on disait. Ouais, on remonte quand même. On remonte où ? C'est ça la question. Bah là, je suis aux alentours de la 75e place. Ouais. Donc, je trouve ça mieux que Le Bazar de l'Épouvante et Monsieur Mercedes, par exemple. Et par contre, ça a des défauts similaires avec Creepshow 2, qui avait aussi des longueurs tout en ayant des aspects sympathiques. Sachant que du coup, Creepshow 2, le segment Creepshow adapté. 2, c'est le radeau. Ouais, c'est ça. Qui n'est pas, qui est radeau, pas le meilleur hein, des trois segments. Voilà, mais du coup, il faut comparer uniquement avec le radeau. Ouais. Du coup, ça remonte un peu. Après, est-ce que c'est pas au final un peu mieux que La Tour Sombre, qui était quand même très chiant et banal, quoi. Tandis que là, on s'amuse un peu. C'est plat, mais on s'amuse un peu. Ouais. Bah, La Tour Sombre, pour lui, Idriss Elba, quoi. Oui, et Matthew McConaughey est bien aussi dans La Tour Sombre, mais ils n'ont pas grand-chose à défendre. Désolé, bon numéro. La femme qui reçoit un appel et on découvre à la fin que c'est elle du futur. Oui. Mais j'essaie de me souvenir si est-ce que c'est mieux ou... Bah, je crois que c'est très proche, sur le... ouais. Ouais, c'est un peu sur le même registre. Ouais. Donc pour moi, ça serait soit au-dessus, soit en dessous de Désolé, bon numéro. Je pense que je préfère un peu Désolé, bon numéro, moi. En partie parce que c'est plus court, donc ça passe quand même bien plus vite. Encore. Parce que Désolé, bon numéro, c'est du format 25 minutes. Ouais, c'est ça. Semble. Ouais, bah allons-y, en dessous de Désolé, bon numéro. Ouais. Très bien, les révélations de Becky Paulson prend donc la nouvelle 72e place, donc exactement la même place qu'elle écrit, entre Désolé bon numéro de John Harrison et La Tour Sombre de Nicolas Jarcel. Rigolo comme coïncidence. Voilà, c'est pas désagréable, vous pouvez lui donner sa chance, c'est un peu long, vous l'aurez assez vite oublié je pense, mais c'est sympathique. Mais c'est trouvable facilement sur YouTube, donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Oui, vous pouvez. Alors un peu plus difficile parce que c'est sous un titre bizarre, mais vous pouvez même la trouver en français. Voilà, si vous voulez. En français, c'est le titre de la série, quoi. Ouais, c'est ça, mais du coup, c'est un peu plus compliqué de naviguer dedans jusqu'à tomber sur la bonne. Oui. Mais elle se trouve en français. Dans une qualité pas terrible, hein. La VO sans sous-titres a une meilleure qualité visuelle. Ouais, oui. Bah, faites une combinaison des deux. Extrayez-les, mettez le son français sur la vidéo originale et paf. Et paf, ça fait des chocs à pied. Voilà, ça se fait. Vous lancez les deux en même temps ? Oui, ou avec un logiciel de montage basique, ça se fait, mais bon, faut l'avoir, effectivement. On passe au tirage au sort ? Eh ben, le tirage au sort, le meilleur passage de l'émission, ouais, celui qu'on attend le plus, toi et moi. Voilà. Alors, je crois que c'est à moi de tirer au sort, cette fois-ci. C'était toi, hein, Becky Paulson, pas... je crois. Il faudra pas que tu oublies le chapeau pendant ton déménagement. Je l'ai déjà laissé, il n'est pas mis dans un carton, justement pour ça. Et j'emporte aussi avec moi, parce que comme je dépose une partie de mes affaires en garde-meubles, normalement tous les kings qu'on peut potentiellement encore avoir à lire, je les emporte. Je me suis juste rendu compte que j'avais oublié de mettre Marche ou Crève. Dans... Ah. Mais bon, ça se trouve autrement. Oui. Voilà, donc je sais plus qui avait tiré, je te le cache pas. Je crois que c'était toi, donc bon, on va dire que c'était toi. Alors. Et donc, j'ai un papier. De quoi s'agit-il? Ah non. Il s'agit... Alors, je suis désolé, je vais le prononcer n'importe comment, parce que je ne sais pas du tout comment se prononce cette langue. Il s'agit de Berry Benny Gosluyer, de Omer Ougur, qui est un Shining Turc. C'est Chris qui a découvert l'existence de ça il y a quelque temps. On l'avait rajouté en secret dans le chapeau en se disant ça ferait une belle surprise. Et voilà, alors on ne sait pas du tout ce que ça vaut. On sait juste que c'est dispo et c'est regardable. Donc voilà, c'est un des très très rares films non américains qu'on fera. Ouais, mais même non anglophone. Ouais, c'est ça, en fait. C'est le seul avec le Anurag Kashyap qu'on a fait. Et ben, on verra ce que ça rend, Turkish Shining. J'essaierai de prononcer la prononciation, de travailler la prononciation pour la prochaine fois. Pour, alors apparemment, il y a un titre, occidental, hein, Someone Watching Me. Ah, ben, on l'appellera comme ça. Écoutez, je ne sais pas ce que ça donnera, mais ce sera au moins une expérience atypique, je pense. Ah oui, le jour où j'ai découvert ça. Ah oui, non, là, c'était une très très belle découverte. Bravo encore. On se retrouve dans un mois pour parler de ça. En attendant, vous pourrez nous retrouver dans notre autre podcast 30 millions d'attaques pour un épisode consacré à The Nest, un film d'attaque de cafards. Oui. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. @cinémarchéviste pour toi sur Blue Sky, @Chris-6 The Lost Tales pour moi également sur Blue Sky. Comme je suis en plein déménagement, je ne live pas en ce moment, mais Chris, lui, a repris. C'est surtout le matin pour des jeux courts. Bah, le matin, ça déborde sur l'après-midi. Hein. Oui, bon, mais ça commence tôt, quoi. Ça commence vers 10h, c'est ça? Ouais, le premier, parce que pour l'instant, je n'ai refait qu'un live pour l'instant. La première qui était sur Wavetail, j'avais commencé à 10h et on avait terminé vers un peu avant 15h. Oui, ça fait des bons lives. Voilà. Donc, n'hésitez pas à suivre. À aller sur ma chaîne YouTube consacrée au ciné asiatique, même si là aussi c'est un peu en pause du fait du déménagement. Mais voilà. Vous pouvez me trouver dans un autre podcast, oui, il y en a des choses à dire. Women, consacré au cinéma asiatique, avec où j'ai été invité par une équipe charmante. Et d'ici là, je ne sais pas si notre troisième épisode sera sorti. Mais voilà, c'est très intéressant, j'espère. Yes. N'hésitez pas à donner sur le Ko-fi, hein, encore une fois. C'est, oui, c'est important. Oui, bien entendu. Voilà, c'est... Le plus important, c'est que vous pouvez donner ce que vous voulez. Donc, vous pouvez donner l'équivalent pour que Issam puisse acheter The Nest pour le prochain. Parce qu'on va pas acheter Turkish Star Wars, hein, vu que Turkish Shining, vu que ça n'a pas été édité en France. Mais voilà. Ou alors, vous pouvez donner des piécettes pour nous permettre de nous rembourser 22 histoires de sexe et d'horreur. Parce que quand même, 4 balles, cette merde, ça fait mal. Ou vous pouvez donner, pardon, ou vous pouvez donner 200 pardon, 000 aussi. Ça. Hein, ça me permettra d'acheter un appart plutôt que d'être locataire. Ça... Oui, voilà. Surtout que nous ne sommes pas faites un petit emprunt, des propriétaires parasites. Hein. Nous achetons pour nous. Voilà, faites un petit emprunt pour nous quand même. C'est le minimum. Ah, surtout après vous avoir diverti sur autant d'épisodes. Ouais. Quoi. Et avoir lu à votre place peu... les Tominokers. Voilà. On n'est pas vos tontons fachos, on est vos tontons gauchos. Voilà. Donc voilà, bah c'est il y a tout ça. On se retrouve dans un mois pour le Shining Turk. Je vais pas essayer de le reprononcer. Someone is watching me pour le titre international. Voilà. Bah, j'espère que ce sera bien. En tout cas. Hein, oui bon. Vraiment. Bah en tout cas, ça sera une curiosité, oui, voilà, ça sera une ça. Curieuse découverte. Ouais. Quoi qu'il en soit. Dans tous les cas, oui. Et en attendant, n'oubliez pas. Que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À plus. Salut.